إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours 54 dans l'explication du livre de Kitab Tawhid. نعم. On est dans le chapitre de الشفاعة, باب الشفاعة. Et c'est le chapitre 17. Ok. السابع عشر. Donc on a expliqué hier jusqu'au verset qui disait قل لله الشفاعة جميعا. D'accord, on a terminé d'expliquer ce verset. Maintenant, on va expliquer l'autre verset que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné. C'est Ayatul Kursi, le verset dans Ayatul Kursi. قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Ok, et donc le Cheikh, il va expliquer maintenant le tafsir de ça. Il قال وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا جزء من آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. لماذا صارت أعظم آية في كتاب الله؟ لأنها اشتملت على النفي والإثبات، نفي النقائص عن الله تعالى وإثبات الكمال لله عز وجل. والشاهد منها قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من نفي أي لا أحد، يشفع عنده أي عند الله تعالى إلا بإذنه، فهو الذي يأذن للشفعاء أن يشفعوا، وبدون إذنه لا يمكن لأحد أن يشفع أبدا، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا الأولياء ولا الصالحين. وهذا محل الشاهد، لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله. ففي هذا رد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء بدون إذنه سبحانه وتعالى في ذلك، وزعموا أن هؤلاء الشفعاء يقومون بما يريدون منهم عند الله عز وجل، ولذلك صرفوا لهم العبادة، فصاروا يذبحون للقبور وينظرون لهم أو ينظرون لها ويطوفون بها ويتبركون بها ويتمسحون بترابها وبجدرانها ويعبدونها من دون الله، لأنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، تركوا الله وعبدوا غيره، فعملهم هذا حابط باطل، لأنهم يضعونه في غير محله وقاس الخالق على المخلوق. Donc le Cheikh, il explique un petit peu surat Ayatul Kursi, il dit « Man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih » c'est-à-dire qui peut intercéder auprès de lui excepté par sa permission. Et ça, c'est une partie du verset de Ayatul Kursi, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 255, dans Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, hein, Allah, rien ne mérite d'être adoré excepté lui, il est Al-Hayy Al-Qayyum. Al-Hayy, le vivant, Al-Qayyum, celui qui se tient par lui-même, qui n'a besoin de rien, qui se suffit à lui-même. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ça veut dire qu'aucune fatigue ni somnolence ne, ni sommeil, ni somnolence ne, ne l'atteint. Yani, il ressent aucune fatigue, rien yani, ne peut l'atteindre. 255 dans Al-Baqarah. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui excepté après sa permission ou par sa permission? Il connaît ce qu'il y a devant eux et derrière eux, hein, et ils ne possèdent ou ils ne peuvent connaître de sa connaissance excepté par sa volonté. Son trône ou son kursi, hein, les ulama ils ont expliqué ça déjà, on a déjà mentionné des fois l'explication du kursi, c'est que le kursi c'est l'endroit où on pose les pieds en dessous de al-arsh, hein, c'est ça dans la langue arabe al-kursi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le décrit comme étant de la largesse ou de la grandeur des cieux et de la terre. Donc ça c'est un exemple de la grandeur de ce kursi. Hein, il est plus vaste que les cieux et la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui le qui l'empêche de les préserver et de le garder en ordre, tout ce qu'il a créé, tout ce qui est dans les cieux et dans la terre. Tout ça, ça ne lui demande aucune difficulté, aucune ça ne prend de lui aucune difficulté de s'occuper de l'univers et de prendre soin de tout ça malgré la grandeur de tout ce qui est dedans. Hein. Et il est Al-Ali Al-Azim, il est le très haut et le très grand. Non. Oui, on est encore dans le chapitre de l'intercession. Puis je ne sais pas si on aura terminé ça aujourd'hui, mais peut-être ce sera l'avant-dernier cours là-dessus, après on passera à l'autre sujet, Inch'Allah. Le cheikh il dit que ça c'est le plus grand verset dans le Coran, c'est le plus grand verset dans le Coran en entier. Et pourquoi c'est le plus grand verset dans le Coran? Le cheikh il dit parce que il y a dedans l'affirmation et la négation. L'affirmation de toute la perfection en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala et la négation de toutes les imperfections hein, au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il affirme qu'il a toutes les bonnes qualités et les caractéristiques de perfection, et tout ce qui est faiblesse ou imperfection, eh bien, il s'en purifie et il explique que toutes ces choses-là ne peuvent pas l'atteindre et le toucher, parce qu'il est parfait. Et donc, le point que le cheikh a mentionné dans cette ayah, c'est la partie où on mentionne la question de shafa, c'est-à-dire de l'intercession. Qui pourra donc intercéder auprès de lui, excepté par sa permission. Et c'est-à-dire quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « qui », ça signifie une négation en réalité, c'est pour dire « personne ». Personne ne peut intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, excepté par sa permission. Donc, c'est lui qui donne à la personne qui veut intercéder, c'est Allah qui donne la permission à celui qui veut intercéder pour quelqu'un. Quelqu'un ne peut pas juste décider d'intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour quelqu'un d'autre. Il doit avoir la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala pour intercéder pour lui, contrairement aux êtres humains dans la dunya, quand on veut intercéder pour quelqu'un, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir la permission pour aller intercéder. On peut le faire directement aller à la personne et dire « je veux te demander d'aider cette personne ». Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala c'est pas comme ça. Tu ne peux pas intercéder auprès de lui excepté par sa permission. Et donc, personne ne peut demander l'intercession pour une autre personne, excepté par la permission d'Allah. Donc, que ce soit un prophète, que ce soit un ange, que ce soit un wali, que ce soit un homme pieux, un salih, peu importe, il ne peut pas intercéder pour toi, excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et donc, c'est ça que le cheikh a voulu mentionner comme argument et comme preuve pour le sujet qui a rapport avec la shafa'a, que la shafa'a ne peut être faite que par la permission d'Allah, et ça c'est une réfutation des mushrikines, c'est une réfutation des gens qui adorent autre que Allah subhanahu wa ta'ala et qui prennent des intercesseurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala sans sa permission. Hein? Et ils croient que ces intermédiaires-là ou ces intercesseurs-là vont remplir leur, leur désir et vont leur donner ce qu'ils recherchent. Hein? يقومون بما يريدون منهم عند الله. Donc, ils croient que ils ont accès, comme ça, ils sont proches d'Allah, donc ils peuvent aller voir Allah subhanahu wa ta'ala et lui demander pour nous qu'est-ce qu'on a besoin. Et le cheikh, il dit, c'est pour ça qu'il leur offre des adorations. Et ils ont commencé à sacrifier des animaux pour les tombes, par exemple. Et ils font des vœux pour les tombes, et ils font le tawaf aux tombes. Et ils cherchent la baraka. Hein, et il touche à la poussière qui est sur la tombe pour chercher de la baraka, comme de la bénédiction. Il pense que ça va les bénir de toucher à cette terre, ou bien de toucher au mur de la tombe. Il croit qu'il y a une baraka en faisant ça. Et il les adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. La pierre, naam. Il croit qu'en touchant à ça, ça y est, ils acquièrent plus de baraka. Parce qu'ils se disent, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran. Et ils disent, les mouchriquins, ceux-là sont nos intermédiaires auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont abandonné Allah, ils ont adoré autre que lui. Hein? Et ça, il n'y a pas de doute que ce qu'ils font c'est totalement faux. Hein? Parce qu'ils donnent ils mettent l'adoration là où il n'est pas permis de le mettre, c'est-à-dire pour adorer d'autres qu'Allah, et ils font des analogies entre le Créateur et sa créature, en comparant Allah au roi et au président et au chef de compagnie ou autre chose dans cette vie. Et ils le mettent à égalité, comme ils comparent ça avec les relations entre les hommes et d'autres hommes qui ont du pouvoir pour avoir des intercessions auprès d'eux, ils comparent ça avec Allah subhanahu wa ta'ala, hein, quand on veut une intercession de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est en ce qui concerne Ayatul Kursi et le sujet de Ash-Shafa'a. Maintenant, l'autre verset qui est mentionné par la suite dans, par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab à ce sujet-là, c'est le verset qui dit وَقَوْلُهُ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. C'est-à-dire, et يعني, combien d'anges dans les cieux, leur nom, leur intercession ne pourra rien leur servir, ne pourra rien servir pour quelqu'un, ne pourra pas profiter à quelqu'un, excepté après que Allah ait donné sa permission et qu'il ait voulu et qu'il ait agréé cette personne-là. Et donc le cheikh maintenant il va expliquer. Ça c'est le verset 26 dans dans sourate An-Najm, ok, pour ceux qui veulent le prendre en note. Après le cheikh dit « ثُمَّ سَاقَ رَحِمَهُ اللَّهُ آيَةُ النَّجْمِ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ كم هنا بمعنى كثير فهي خبرية أي كثير من الملائكة يعني بوكو دانج dans les cieux في السماوات لأن موت الملائكة السماوات ومع كثرتهم لا تغني شفاعتهم شيئا هذا نفي لأن شيئا نكر في سياق النفي أي لا تغني شيئا أبدا إلا بشرطين إلا من بعد أن يأذن الله هذا الشرط الأول ويرضى لمن يشاء ويرضى هذا الشرط الثاني ويأذن الله للشافع أن يشفع ويرضى عن المشفوع فيه أن يشفع فيه فهو وهو المؤمن الموحد الذي عنده ذنوب يستحق بها العذاب فإذا أذن الله جل وعلا في الشفاعة فيه فإنه تنفعه الشفاعة ويسلم من العذاب بإذن الله عز وجل. Donc le cheikh il dit que donc il y a beaucoup d'anges dans les cieux, hein, que leur intercession ne pourra pas profiter à une personne quelconque en particulier sauf si il a rempli deux conditions qu'on a mentionnées hier. La première condition c'est qu'il ait eu qu'on ait la permission pour intercéder pour cette personne de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et deuxièmement que Allah ait agréé cette personne-là. Et donc c'est ça. Et donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala va donner la permission à la personne qui veut intercéder, et il va agréer la personne pour qui on demande l'intercession, pour que celui qui veut intercéder pour lui puisse le faire. Et cette personne-là, que Allah va agréer, c'est celui qui est un croyant, qui est muwahhid, c'est-à-dire qui a le tawhid, qui a établi son tawhid, et qui a appliqué le tawhid, qui n'a pas fait aucune forme de shirk dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala va permettre qu'on intercède en sa faveur. Hein, même s'il a quelques péchés qu'il a fait dans la dunya, même si c'est des kaba'ir, du moment qu'il est mouahid, même s'il mérite le châtiment, Allah va permettre qu'on intercède en sa faveur. Et l'intercession va être bénéfique pour lui, contrairement aux mushrikines et aux kuffars. Hein, et donc il sera sauvé, celui qui a établi le tawhid, il sera sauvé du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il y a une bonne annonce dans ça, il y a une bushra yani pour le mu'min, le mu'ahid, hein, du fait que s'il s'est accroché au tawhid, il est quand même certain d'avoir, il a quand même l'espoir qu'il va aller quand même au paradis. Soit directement comme on a dit, ou bien soit il va, même s'il rentre à l'enfer un certain temps, il sortira quand même parce qu'il est resté sur son tawhid, il n'a pas fait de shirk. Que Allah l'ait agréé. Le cheikh il dit ensuite, فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمْرُ كُلَّهُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وَتُطْلَبُ الشَّفَاعَةُ وَغَيْرُ فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمْرُ كُلَّهُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وَتُطْلَبُ الشَّفَاعَةُ وَغَيْرُهَا مِنَ اللَّهِ وَلَا يَتَعَلَّقُ عَلَىٰ غَيْرِهِ ولا تصرف العبادة إلا له ولا يدعى إلا هو سبحانه وتعالى ولا يجوز اتخاذ الوسائط بين الخلق وبين الله بقضاء الحاجات وتفريج الكروبات وإجابة الدعوات لا يجوز هذا وإنما العباد يجب عليهم أن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى في عباداتهم وفي دعواتهم وفي سائر أمورهم ومهمة الرسل هي التبليغ عن الله سبحانه وتعالى وأما أنهم يكونون وسطاء بين الله وبين خلقه في قضاء الحوائج فهذا أمر باطل ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هناك واسطة من أثبتها كفر وواسطة من أنكرها كفر فالواسطة التي من أنكرها كفر هم الرسل عليهم الصلاة والسلام في تبليغ أمر الله سبحانه وتعالى يعني من جحد رسالة الرسل كفر فالرسل واسطة بين الله وبين الناس في تبليغ الرسالة أما الواسطة التي من أثبتها كفر فهي جعل الوسائط بين الله أو بين الخلق وبين الله في قضاء الحاجات وتفريج الكروبات هذه من أثبتها كفر لأن الله كفر المشركين في ذلك والله جل وعلا أمرنا أن نتوجه إليه مباشرة بدون أن نتوسط أن نوسط أحدا بدون أن نوسط أحدا أو نسأل بجاه أحد أو بحق أحد. Donc, on va expliquer cette partie. Le cheikh il dit donc que ce verset donc prouve que toute la question de shafa'a appartient à Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Et on n'a pas le droit de la demander à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ni de s'accrocher à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ou d'offrir l'adoration à d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Et on n'a pas le droit d'invoquer autre que lui. Et ce n'est pas permis de prendre des intermédiaires ou des intercesseurs entre le Créateur et entre le Créateur et Allah subhanahu wa ta'ala pour arriver à remplir nos besoins quand on a quelque chose, quand on a un besoin pour le satisfaire ou pour le régler, quand on a un malheur de demander à autre que Allah subhanahu wa ta'ala ou de faire des du'as à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est pas permis. Les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont obligés de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala uniquement dans leurs adorations et dans leurs invocations, et dans toutes leurs affaires. Et la tâche ou le rôle des messagers, c'est de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on n'a pas le droit de les prendre comme des intermédiaires entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala dans le but de remplir nos besoins ou de demander à Allah qu'est-ce qu'on veut. Parce que de faire ça, c'est faux. Et il y a une explication dans les paroles du Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qui clarifie comme il faut cette question-là, d'une façon très claire. Il dit qu'il y a un intercesseur, ou un intermédiaire, celui qui l'affirme, il a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a un autre intermédiaire, celui qui le nie, il a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a deux catégories d'intermédiaires. Hein? Donc, juste pour vous résumer un peu le sujet, c'est que l'intermédiaire que tu affirmes, que si tu l'affirmes, tu as mécru en Allah ou tu es kafir, si tu l'as affirmé, c'est l'intermédiaire dans l'adoration. Quand tu prends un intermédiaire entre toi et Allah pour l'adorer, ça c'est kufr, c'est shirk de faire ça. Et l'autre intermédiaire que tu prends entre toi et Allah, et que si tu le nies, c'est kufr, c'est l'intermédiaire dans la transmission du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'on a besoin des messagers et des prophètes pour connaître la volonté d'Allah et des messagers. Celui qui nie qu'on a besoin des messagers et des prophètes pour nous transmettre la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a rejeté la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que personne ne peut avoir accès à la révélation d'Allah, personne ne peut connaître ce qu'Allah veut de l'humanité, excepté par l'intermédiaire des messagers et des prophètes. Hein. Et il y a une catégorie des êtres humains qui ont renié les prophètes et la prophétie, qui ont renié qu'il y a des anges qui sont venus aux messagers pour enseigner aux hommes le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme certains philosophes par exemple, qui nient qu'il y a des messagers. On a donné des exemples de ça déjà dans d'autres occasions, par exemple des soufis qui pensent qu'ils ont un contact direct avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont plus besoin de passer par des prophètes, ils ont accès eux directement à la source, ou bien qu'ils peuvent voir dans al-lawh al-mahfouz qu'est-ce qui est écrit, pas besoin de passer par une révélation ou un prophète. Ou les chiites par exemple, qui croient que leurs imams sont infaillibles, ils ont 12 imams et eux ils sont infaillibles, pas besoin de passer par les révélations, on a les imams qui nous ont tout révélé, la religion, et ils avaient déjà la connaissance complète de tout ce qu'il fallait savoir, pas besoin de retourner aux prophètes. Donc ça c'est des exemples de façon d'annuler ou de rejeter l'intermédiaire qu'il y a entre nous et Allah dans la transmission du messager. Et il y a une catégorie d'êtres humains qui utilisent cette méthode-là aussi, aujourd'hui, comme ceux qui sont laïcs par exemple, ils disent, les questions de religion, on n'a pas besoin de ça pour les affaires de la vie, les affaires de la politique ou les affaires économiques, ça c'est nous-mêmes, on va faire nos propres lois, pas besoin de la révélation pour ça. Donc ils pensent qu'ils ont, souvent même on en entend certains parmi eux, qu'est-ce qu'ils disent comme argument? Ils disent dans l'islam il n'y a pas de clergé. Donc s'il n'y a pas de clergé dans l'islam, il n'y a pas de hiérarchie comme dans la religion catholique, donc ça veut dire que on n'a pas besoin de suivre les conseils ou les enseignements de personne. Hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Et ça en fait c'est une mauvaise compréhension. Parce que quand on dit qu'il n'y a pas d'intermédiaire dans l'islam entre nous et Allah, c'est quand on dit entre nous et Allah dans l'adoration, c'est-à-dire nous, quand on se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala, il ne doit pas y avoir d'intermédiaire, contrairement aux chrétiens, contrairement aux autres religions qui prennent des intermédiaires entre eux et Allah dans l'adoration. Eux, quand ils veulent aller à Dieu, ils passent par des intermédiaires, des saints, des prophètes, des hommes, des animaux, des statues, des idoles. Hein, nous, on n'a pas le droit de faire ça. Mais quand c'est la question de Allah subhanahu wa ta'ala, quand il s'adresse à l'être humain, et à l'humanité, et quand il fait savoir sa volonté et sa révélation, là il faut affirmer qu'il y a un intermédiaire, et l'intermédiaire c'est le prophète. Premièrement c'est l'ange qui amène le message au prophète, ensuite le prophète qui transmet le message aux sahaba. Hein? Donc nous on n'est pas vivant à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Donc c'est certain que on a plein d'intermédiaires entre nous et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'on n'était pas vivant à l'époque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait aux sahaba, sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Hein? Toutefois, aina yuballigh al-ghaib ash-shahid al-ghaib, celui qui était présent, il transmet le message à celui qui est absent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit li unzirakum bihi wa man bala, c'est pour transmettre pour que le messager vous avertisse et toute personne à qui le message est transmis ou le message atteint, toute personne à qui le message est transmis, il est averti par ce message-là. Donc il y a les sahaba, après il y a les tabi'in, après il y a les tabi'in qui se sont transmis cette connaissance, hein, qui sont les héritiers des prophètes, hein, warasatul anbiya, ce sont les ulama, comme le prophète sallam a dit, al ulama hum warasatul anbiya, ce sont les héritiers des prophètes. Et donc ils se sont transmis cette science de génération en génération, et ça c'est l'héritage des prophètes jusqu'à nos jours aujourd'hui. Et ceux qui ont fait ça, c'est Ahlul Hadith, Ahlul Sunnah wal Jama'ah, se sont transmis cette science de la religion de génération en génération, et ils ont préservé pour nous le Coran et la Sunna et le Fiqh et toutes les sciences islamiques. Hein? Donc, il y a des intermédiaires entre nous et Allah dans la transmission de la connaissance de l'islam. Et celui qui nie ça, c'est parce qu'il essaie de rejeter une partie de la religion. D'accord? Donc ça, c'est très important de comprendre cette chose-là, parce qu'il y en a qui veulent prendre des raccourcis pour apprendre l'islam, ils passent par d'autres choses, soit la raison, ils veulent placer la raison devant la révélation, ou bien, ben c'est plutôt d'intermédiaire, pas d'intercession, tu comprends? C'est comme quand Dieu s'adresse à l'homme et quand l'homme s'adresse à Dieu, c'est dans les deux sens. Ben dans un sens c'est permis, dans l'autre sens, c'est pas permis. Quand nous, on s'adresse à Allah, c'est pas permis de prendre des intermédiaires. Mais quand Allah s'adresse à nous, il y a des intermédiaires. Ça, c'est très important de distinguer entre les deux. D'accord? Et donc, comme on expliquait, il y en a qui ont pris la logique, ils l'ont mis au devant de la révélation. Il y en a qui ont pris leur désir et leur passion, ils l'ont mis devant la religion. Ou d'autres choses de ce genre. Mais, alhamdulillah, yani, Ahlus Sunnah wal Jama'a, ils ont été guidés vers toute la justice et tout le droit chemin à ce sujet-là, alhamdulillah. Donc, ça c'est un petit résumé que je vous ai fait au sujet de l'explication du Cheikh Ibn Taymiyyah à ce sujet-là. Il dit l'intermédiaire que celui qui l'a mis, il avait cru en Allah, c'est le messager, dans la transmission du message. Hein, celui qui nie les messagers et le message, il a mis cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi? Parce que les messagers, comme on a dit, sont des intermédiaires entre les hommes et Allah subhanahu wa ta'ala dans la transmission du message. Et l'intermédiaire ou l'intercesseur que celui qui l'affirme a mis cru, c'est celui qui met entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala des intermédiaires dans l'adoration ou dans l'intention de, ou dans le but de chercher à arranger ses affaires ou de régler quand il a un malheur, il essaie de les appeler pour leur demander leur aide à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, comme les awliya ou d'autres. Celui qui affirme ça, il a mécru. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré que les mouchriquins sont kuffars parce qu'ils faisaient ça. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de nous diriger et de nous tourner uniquement vers lui, directement, hein? Sans prendre un intermédiaire, sans prendre aucun intermédiaire, et de demander à Allah directement. Et il nous a aussi interdit de demander par le statut de quelqu'un. Hein, il y en a par exemple des gens qui vont dire, oh Allah, on te demande, nas'aluka bijahi fulan. C'est-à-dire, on te demande par le statut important d'un tel. hein, parce que par exemple les saints ou les prophètes ou les hommes pieux, ils ont une position élevée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne nie pas ça. On dit oui, ils ont un statut très important et c'est vrai qu'ils sont près d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne nie pas ça. Toutefois, on n'a pas le droit de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par ces choses-là. Par autre, on doit demander uniquement à Allah directement, pas par quelqu'un, ni par son statut, ni par le droit qu'il a. Hein. Même si quelqu'un a un droit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les prophètes ou les anges, Allah ne nous a pas permis de les prendre comme des intermédiaires pour régler nos besoins, ou bien pour demander nos, qu'est-ce qu'on veut. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, le cheikh il explique, il dit, حتى ولو كان هذا لأحد, لو كان هذا لأحد له مكان عند الله كالرسل والملائكة لأن الله لم يشرع لنا لم نعم أن نوسطهم في قضاء حوائجنا بل الله سبحانه وتعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ما قال ادعوني بواسطة فلان أو وسط فلانا بيني وبينكم قال ادعوني أستجب لكم وفي الحديث ينزل ربنا سبحانه وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له فالباب مفتوح بينك وبين الله عز وجل لماذا هذا التعريج وهذا الأباطيل التي تجعلها بينك وبين الله اتصل بالله مباشرة وهو سميع مجيب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فهذا إبطال الوسائط التي يضعونها بينهم وبين الله ويزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى لا أصحاب القبور ولا الأشجار ولا الأحجار ولا الأصنام ولا أي مخلوق حتى ولا الأنبياء ولا الملائكة الواسطة بين الله وبين خلقه في قضاء الحاجات غير الأعمال الصالحة أمر منسي أما الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسالات فهذا أمر ثابت. Donc le cheikh explique, il dit, même si c'est des anges, même si c'est des messagers, ils ont un statut élevé auprès d'Allah, oui, mais c'est pas permis de demander par leur statut ou par le droit qu'ils ont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Parce que leur statut, ils l'ont atteint comment? Et par quoi ils l'ont atteint? Ils l'ont atteint par les bonnes œuvres et par leur foi. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont atteint ce statut. Et leurs bonnes œuvres à eux, et leur foi à eux, elle ne peut pas te profiter à toi. La seule chose qui peut te profiter à toi, c'est tes bonnes œuvres à toi, et ta foi à toi. Et c'est ça ce qui va faire en sorte que tu vas mériter la shafa'a d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de demander par les bonnes actions et les bonnes œuvres de quelqu'un d'autre, ça ne peut pas t'amener auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et donc, là, le cheikh, ça a un rapport avec le sujet de At-Tawassul et le fait de demander par nos bonnes actions, ou de demander par notre foi, ou de demander à quelqu'un qui est pieux de faire un doigt pour nous, ça c'est permis. Mais demander par le droit de quelqu'un, ça c'est bid'a. C'est pas un shirk akbar. Quand ils disent par exemple, oh Allah, on te demande par le statut d'un tel, ou par le droit d'un tel, ça c'est une bid'a. Et ça peut amener quelqu'un au shirk. Parce que souvent, tu vois des gens, ils commencent comme ça, puis après ils se dirigent directement et demandent directement au wali par la suite. Et la plupart de ceux qui adorent les tombes aujourd'hui, ils demandent directement à celui qui est dans la tombe d'amener sa prière à Allah, ou bien de le guérir, ou des choses de ce genre. Toutefois, il y en a qui disent, oh Allah, je te demande par ton serviteur ou par son statut. Ça, c'est pas shirk. Akbar, Mukhrij min al-Millah. Sauf que c'est une bid'a. Et ça peut amener quelqu'un à tomber dans le shirk à la longue. Hein? Et c'est pour ça que c'est interdit. Et les sahaba, ils ne faisaient pas ça. Hein? Ils ne demandaient pas par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou par son statut, ou par des choses de ce genre. Quand ils voulaient demander salatul istisqa, ils demandaient au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de faire un dua pour eux. Hein? Ils ne demandaient pas à Allah par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, demandaient au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de faire un dua à Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Et c'est ça qui est permis de faire, pas de demander à la personne ou par la personne à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit c'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, et votre Seigneur, il dit dans surat Ghafir dans le verset 60, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vais vous répondre. Hein? Invoquez-moi et je vais vous répondre. Il n'a pas dit invoquez-moi par l'intermédiaire de quelqu'un, hein, ou bien demandez-moi par l'intermédiaire de quelqu'un, ou prenez un tel comme un intermédiaire entre moi et vous. Il a dit invoquez-moi et je vais vous répondre, je vais vous exaucer. Et dans le hadith qui est rapporté authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que Allah descend dans la dernière partie de la nuit au dernier des cieux, au plus bas des cieux, et il dit: est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui veut me demander pour que je lui donne? Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui veut m'invoquer pour que je l'exauce? Est-ce qu'il y a un d'entre vous qui veut me demander pardon pour que je lui pardonne? Donc la porte est ouverte entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pourquoi inventer des mensonges et passer par des personnes entre nous et Allah et des intermédiaires entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de communiquer directement avec lui. Hein, on a une ligne directe. Pas besoin de passer par X ou Y. Hein. Donc, il est Sami'un Mujib. Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'audient et celui qui répond à notre invocation. Et il mentionne le verset 186 dans Surat Al-Baqarah. Et lorsque ton serviteur te demande à mon sujet, je suis prêt de lui. Et je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il me demande, ou lorsqu'il m'invoque. Hein? Donc ça c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, il répond à nos invocations, il n'a pas besoin qu'on passe par quelqu'un d'autre pour aller vers lui. Donc il dit qu'il y a dans ça la preuve que de la fausseté de prendre des intermédiaires, ou des intermédiaires qu'on met entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, ceux qui prennent ces intermédiaires-là et qui croient que ça les rapproche plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit que peu importe, hein, qu'est-ce que les mouchtikins aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font, les gens qui adorent les tombes, ou les arbres, ou les pierres, ou les idoles, hein, ou n'importe quel autre parmi les créatures, même les prophètes ou les anges, hein, ceux qui prennent ces intermédiaires-là entre eux et Allah, ça ne peut rien leur servir. Il n'y a rien qui pourra te sauver, excepté tes bonnes œuvres. Hein? Et de prendre des intermédiaires entre toi et Allah dans l'adoration, eh ben, c'est quelque chose qui a été nié par Allah subhanahu wa ta'ala. Et en ce qui concerne l'intermédiaire entre nous et Allah, dans la transmission des messages, des messagers, ça c'est une chose qu'on doit affirmer. ثم ذكر الشيخ قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وتمام الآيتين وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له لشيخ المنسيان par la suite محمد عبد الوهاب un autre verset qui est le verset 22 et 23 dans Surat Saba, hein, qui dit invoquez ceux que vous prétendez être des intermédiaires entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, ils ne possèdent même pas une atome dans les cieux et dans la terre. Hein. Et la suite du verset, c'est et ils ne sont pas non plus des partenaires avec Allah subhanahu wa ta'ala dans quoi que ce soit dans l'univers. Hein, et وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ et il n'y en a aucun d'entre eux non plus qui est comme un aide pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'intercession ne peut être bénéfique auprès d'Allah, excepté pour celui que Allah a, pour qui Allah a donné la permission. Si Allah n'a pas donné la permission pour que quelqu'un en intercède en sa faveur, ça ne lui sert, l'intercession ne lui servira à rien. Et il n'y aura même pas d'intercession du tout même. Hein, parce que ça c'est Sabah. Sabah. Oui. C'est le verset 22 et 23. Dans ce verset-là, il y a la réfutation de tous les arguments des mouchriquins, de tout ce qu'ils peuvent amener comme shubuhat. Premièrement, al-mulk, ceux qui pourraient prétendre qu'ils possèdent quelque chose. Allah dit, ils ne possèdent rien. Deuxièmement, peut-être qu'ils ne possèdent rien, mais peut-être qu'ils ont, ils sont partenaires hein, avec Allah, même pas. Ils n'ont même pas rien, ils ne sont pas partenaires non plus avec Allah subhanahu wa ta'ala dans quoi que ce soit. Et ils n'aident même pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils n'ont pas la shafa'a non plus. Donc ils n'ont rien. Hein? Et après, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné une citation de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. يجي قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. Donc on va commencer par cette partie-là, parce que probablement que par la suite on va expliquer le reste. Le Cheikh dit, Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il a dit? Allah a nié hein, à tout ce qui est adoré par les mouchriquins en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout nié ce que les mouchriquins pouvaient utiliser comme argument pour essayer de prendre ces êtres-là comme intermédiaires. Il a nié qu'ils avaient un mulk, ou une partie dans la création. Il a nié qu'ils possédaient quelque chose, comme je disais tout à l'heure. Puis il a nié par la suite qu'ils pouvaient posséder une partie dans l'univers, ou qu'ils pouvaient être des êtres pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne restait plus que l'intercession, et même celle-là, Allah a montré qu'il ne la possède pas, et qu'on ne peut la faire que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah a dit, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ اِرْتَضَى. Ils ne peuvent intercéder que pour celui que Allah a agréé. Ok? Donc tout ça c'est des arguments, quand vous allez débattre ou argumenter avec des gens qui font du shirk, de ces catégories de shirk là, dans leur adoration, vous allez pouvoir utiliser avec eux ces preuves du Coran et de la Sunna pour débattre avec eux et argumenter et leur prouver que de prendre des intermédiaires entre les hommes et Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, c'est rejeté par l'islam et c'est shirk, et qu'il ne faut pas supporter des choses pareilles. Hein? Comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, il expliquait dans un livre qui s'appelle Kitab al-Ilm, hein, quand il parlait de l'importance de la science et tout, il disait que tous les livres que les ulama ont expliqués, ils ne sont pas écrits juste pour laisser dans les bibliothèques. Ils sont là pour qu'on les utilise, pour qu'on les lise et pour qu'on les utilise, pour qu'on appelle les gens à cette science-là. Il comparait ça à des armes. Il disait, si tu as plein d'armes et que tu les accroches sur le mur puis que tu les regardes et que tu les utilises pas, est-ce que ça va être utile pour toi? Est-ce que ça va pouvoir t'aider à avoir quelques victoires quelconques? Il a dit non. Eh bien, les livres, c'est la même chose. Ces livres-là, ils contiennent des protections et des armes contre toutes les formes de shubuhat, contre toutes les formes d'erreurs, d'égarements. Et il faut les lire et les apprendre et les étudier et les enseigner et les utiliser contre les faussetés qui sont propagées contre l'islam, de l'intérieur ou de l'extérieur. De la part des musulmans, ou des gens qui se disent musulmans, à l'intérieur des musulmans qui propagent des choses qui sont contraires à l'islam, et à l'extérieur des gens qui ne sont pas musulmans qui veulent essayer de combattre l'islam avec toutes sortes de shubuhat. Donc il faut avoir de la science pour être capable de répondre à ça. C'est pas juste comme certains qui répondent aux attaques ou aux accusations ou aux mensonges par des réponses émotives, sentimentales, yani, ils répondent par l'émotion et non pas par les preuves et les arguments. Et donc, ça c'est dû à l'ignorance. Hein? S'ils entendent un discours émotif qui les émeut, qui les fait bouger à l'intérieur, là ils se mettent d'accord avec la personne qui parle, même s'ils n'ont pas réellement compris le fond de son message et l'essence de son enseignement. C'est souvent juste par émotion. Il y a des gens qui s'amusent à réunir les musulmans de cette façon-là, par des idées qui sont populaires, qui sont répandues dans la masse et qui plaisent aux gens. Donc lorsqu'ils entendent ces discours, ça leur fait plaisir et donc ils se rassemblent autour de cette personne-là et ils ignorent même parfois c'est quoi la réalité de ce message. Donc nous quand on étudie notre religion, c'est pour éviter justement d'avoir ce genre de réaction émotive et sentimentale pour qu'on revienne à notre religion, non pas par émotion, mais par compréhension et par connaissance, et qu'on s'attache autour des bonnes personnes et des vraies personnes, c'est-à-dire autour des ulama et des gens qui ont le ilm dans cette religion-là et qui ont une bonne compréhension, qui enseignent le tawhid et qui combattent le shirk et les bid'ahs et les innovations et qui clarifient aux musulmans la réalité. Et lorsqu'on a bien compris ça, eh bien, Inch'Allah, on sera préservé de tomber dans l'égarement et dans l'erreur. Parce qu'avant de prendre une position d'avoir une réaction, on aura bien réfléchi, on aura bien compris, on sait exactement qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on fait. D'accord? Donc, c'est avec ilm qu'il faut réagir. D'accord? Donc, c'est ça. Et donc, le cheikh, il dit, ساق رحمه الله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح هذه الآية وتفسيرها وختم به هذا الباب العظيم الذي هو باب الشفاعة. Donc ابن تيمية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب il a conclu ce chapitre au sujet de l'intercession avec cette citation de ابن تيمية رحمه الله. Et donc il dit que وقد مضى الكلام في أول الباب وما فيه من آيات وأحاديث وما فيه من تفصيل في أمر الشفاعة لأن أمر الشفاعة أمر مشكل من قديم الزمان وحديثه لأن كثيرا أو جميع ما يقع منهم من يقع منهم الشرك في العبادة بدعاء الأولياء والصالحين والموتى إذا سئلوا وقيل لهم هذا شرك قالوا لا هذا ليس بشرك لأننا لم نقصد أن نعبد من دون الله أحدا لأننا نعلم أن العبادة حق لله ولكن هؤلاء أناس صالحون لهم مكانة عند الله ومن العادة أن الإنسان إذا كان له حاجة عند السلطان أو عند الملك أنه لا يتقدم إليه بحاجته مباشرة لأنه يخشى أن لا يقبل منه أو لا يعرف فحتى لا يرد طلبه يجعل بينه وبين المطلوب منه واسطة فهذه الواسطة تشفع له عند من عنده طلب المحتاج وهذا حاصل ما يجيبون به وهو جواب باطل لأن قياس الخالق على المخلوق قياس باطل لأن الله ينزه أن يقاس بأحد من خلقه قال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد إلى غير ذلك مما بين الله سبحانه أنه لا يجوز أن يقاس بخلقه أو أن يشبه بخلقه لوجود الفرق العظيم بين الخالق والمخلوق فإذا كان ملوك الدنيا تصور عندهم شفاعة الشافعين بغير إذنهم ف فإن الخالق جل وعلا لا تسوغ عنده لأنه أعظم من ذلك لأن ملوك الدنيا بحاجة إلى هؤلاء الشفعاء لإعانتهم على أمور الملك فيشفعونهم من أجل أن يعينوهم على أمور الملك ولأن ملوك الدنيا لا يعلمون أحوال الرعية فهم بحاجة إلى أن يبلغون أو لأن ملوك الدنيا لا يريدون قضاء الحوائج أحيانا ولا يريدون الرحمة حتى يأتي من الشفعاء من يتكلم معهم حتى تتأثر قلوبهم بالعطف وهذه الأمور كلها منفية منتفية عن الله سبحانه وتعالى فهو ليس بحاجة إلى من يعينه على أمور الملك لأنه غني كريم قادر على كل شيء وليس بحاجة إلى أن يبلغه عن أحوال خلقه أن يبلغه أو يبلغه عن أحوال خلقه لأنه يعلم كل شيء وليس بحاجة إلى من يؤثر عليه ويعطفه لأنه بعباده رؤوف رحيم يريد لهم الخير ويريد لهم الإعانة ويحب العفو والمغفرة ويجود على خلقه بدون أن يؤثر عليه أحد أو يتوسط عنده أحد نعم فكل هذه فالأمور فهذه الأمور كلها منتفية Donc le cheikh il a expliqué ici que c'est comme un résumé de tout ce qu'on a expliqué hier dans le dars en fait. Il a tout réexpliqué en fait de façon plus concise et résumée. Il dit que on a expliqué au début de ce chapitre les versets et les hadiths qui parlent en détail de la question du shafa'a. Hein, parce que la shafa'a c'est une question qui est compliquée. Depuis longtemps, avant dans le passé comme aujourd'hui, les êtres humains ont toujours eu des difficultés à comprendre cette question-là. Il y a toujours eu des problèmes avec les mouchriquins à comprendre cette question-là. Et donc, la plupart des mouchriquins, si c'est pas tous les mouchriquins, quand il y a de leur part une forme quelconque de shirk qui arrive, que ce soit du fait qu'ils invoquent des awliyas ou des hommes pieux ou des morts et qu'ils leur demandent et lorsqu'on leur dit ça c'est shirk ils disent non ça c'est pas shirk hein, parce que nous on n'a pas voulu on n'a pas eu l'intention d'adorer ces êtres là en dehors d'Allah hein, on n'a pas eu l'intention d'adorer d'autres en dehors d'Allah parce qu'on sait que l'adoration c'est un droit unique qui appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce sont des hommes pieux qui ont une place élevée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, un statut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans les traditions humaines, hein, entre les êtres humains, quand on a un problème, on va voir le roi, on va voir le président, on va voir quelqu'un qui est haut placé, mais on ne peut pas y aller directement parce qu'il ne nous connaît pas et peut-être qu'il ne va pas nous accepter. Et donc, on a besoin de quelqu'un qui va intercéder pour nous, hein, comme on dit des fois, une connexion. On n'a pas de connexion. On a besoin, ici au Québec, ils disent, on n'a pas une plug, on a besoin d'une plug. Hein, quelqu'un qui va nous mettre en contact avec quelqu'un qui est branché, genre, qui peut nous aider à nous rapprocher de celui qui a la position de décision. Hein. Donc, le cheikh dit وهو جواب باطل. Il dit c'est une réponse qui est complètement fausse. De faire ce genre d'analogie-là entre le Créateur et la créature, c'est totalement faux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est purifié et il a nié ce genre d'analogie-là à son sujet. Hein? Il a dit qu'on ne peut pas comparer Allah à rien de ses créatures. Il dit فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ne faites pas des fausses analogies avec Allah subhanahu wa ta'ala, des fausses comparaisons avec Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah sait et vous ne savez pas. C'est le verset 74 dans Surat al-Nahl. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble. Laysa kamithlihi shay, il n'y a rien comme lui. Et il est l'audient et le voyant. Ça c'est le verset 11 dans Surat al-Shura. Et il dit aussi « وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ » dans surat Al-Ikhlas. Il n'y a rien qui soit comparable à lui. Le verset 4 dans As-Samad. Donc, il y a beaucoup d'autres preuves qui nous montrent qu'il n'est pas permis de faire un qiyas entre Allah et sa création. Parce qu'il y a des grandes différences entre le Créateur et la créature. Et donc, si les rois ou les présidents dans ce monde ont besoin, non, si les rois ou les dirigeants ont besoin dans ce monde de quelqu'un pour intercéder en faveur d'une créature ou d'un être humain, ça c'est les êtres humains dans ce monde. Mais ça c'est pour eux. Hein. Mais pour le Créateur, c'est pas pareil. Hein, les êtres humains, ils ont besoin des intermédiaires pour les aider dans leurs affaires, dans leur gouvernement. Hein, le président, il peut pas gouverner tout seul. S'il a pas des ministres, des conseillers, qu'est-ce qu'il fait, le président? Il peut pas. C'est impossible. Le premier ministre, le président, le roi, il peut rien diriger s'il est tout seul. Il faut qu'il ait des ministres, il faut qu'il ait des conseillers. Et ils sont là pour l'aider. Donc, il y a un certain échange entre les deux. Eux, ils ont besoin du roi, et le roi, en même temps, il a besoin d'eux. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas comparable à ça, tu vois. Donc, de faire cette comparaison-là, c'est faux. À cause de la différence qui existe entre les deux analogies, entre les deux choses qu'on compare. Hein, les êtres humains, les rois, ils ont besoin de l'aide de leur conseiller, et en même temps aussi, c'est que des fois, ils peuvent avoir pas envie d'aider certaines personnes, ou pas envie de faire du bien envers telle ou telle personne, ou bien des fois, ils ne connaissent pas l'état des gens qui ont vraiment besoin d'aide, et donc, à cause de ça, ils vont pas les aider, ils ont besoin d'un intermédiaire pour les mettre au courant et les informer de la situation des personnes qui vont demander de l'aide. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas comparable à ça. Allah subhanahu wa ta'ala, et le shaykh dit, فَهُمْ بِحَاجَةٍ وَلَا يُرِدُونَ الرَّحْمَةً. Donc, des fois aussi, c'est comme je dis, les dirigeants, ils ont pas envie d'aider certaines personnes ou de faire du bien pour certaines personnes, et ils ont donc besoin de quelqu'un pour, jouer avec leurs sentiments, mais pour, comment je pourrais dire, leur faire sentir de la sympathie envers certaines personnes pour vouloir les aider, tu vois, d'une certaine façon. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas comparable à ça. Tout ça, c'est nier. Quand on parle à propos d'Allah, on doit nier ces choses-là. Parce qu'Allah n'a pas besoin de personne pour l'aider dans la gouvernance de l'univers. Il est riche, il se suffit à lui-même et il est généreux. Il est tout-puissant, il a le pouvoir sur toutes choses. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui va lui transmettre l'état de ses créatures. Et il connaît toutes choses. Et il n'a pas besoin de quelqu'un pour l'influencer à aider quelqu'un ou d'avoir de la miséricorde pour quelqu'un. Bien au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, il est raoufun rahim, il est indulgent et il est miséricordieux pour ses créatures, et il veut pour eux du bien, il veut les aider, il veut le pardon et la miséricorde pour eux, et il est généreux pour sa créature sans qu'il ait besoin que quelqu'un ait à l'influencer dans ces choses-là, ou sans qu'il ait besoin d'un intermédiaire pour arriver à régler ces choses-là. Donc tout ça, c'est nié. وبذلك بطلت حجة المشركين وتبين أن فعلهم هذا هو الشرك. سماه الله شركا في قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويعبدون من دون الله هذا هو الشرك في الآية الأخرى والذين اتخذوا من دون وفي الآية الأخرى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ثم توعدهم بقوله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فسمى فعلهم هذا كذبا وسماه كفرا بل سماه مبالغة في الكفر سماه مبالغة في الكفر لأن كفار صيغة مبالغة صيغة مبالغة والذين يفعلوا فالذي يفعل هذا قد بلغ راية الكفر وأعظم الكفر والعياذ بالله الشيخ اللي دونك on voit la fausseté des arguments des mushrikins quand ils font de telles comparaisons entre Allah et la créature. Et on a compris en même temps que qu'est-ce qu'ils font, c'est shirk, et Allah l'a appelé shirk. Yani les chrétiens, ils font ça dans leurs adorations, ils prennent des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Les juifs, ils font ça, ils prennent des morts et des saints comme intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Les bouddhistes, ils font ça avec leurs statues, Bouddha et autres. Les hindous, avec les milliers de divinités qu'ils possèdent, ils font ça. Les haïtiens en Haïti qui adorent les lois, les esprits, les djinns, les prennent comme des intercesseurs entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous, ces gens-là, ils disent, on croit à un Dieu unique. Les haïtiens, quand les voodooisants, ceux qui font le voodoo, là, qui adorent les lois, ils disent qu'ils croient à un Dieu unique. Malgré tout, ils prennent des intermédiaires entre eux et Allah. Si vous demandez aux chrétiens combien de dieux qu'ils croient, ils vont dire un Dieu unique. Et ils prennent des intermédiaires entre eux et Allah. Et quand vous demandez aux juifs qui font ces choses-là, combien de dieux vous adorez, ils vont dire, on croit un Dieu unique. Donc, le fait de dire qu'on croit un Dieu unique, ça suffit pas pour dire qu'on est mouahid, qu'on est monothéiste. Être monothéiste, c'est quand on a nié tout ce qui est pris comme intermédiaire entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, beaucoup de gens l'ont pas compris. C'est pour ça que des fois, vous entendez certains groupes musulmans qui disent les trois grandes religions monothéistes. Il n'y a pas trois grandes religions monothéistes. Il y a une seule grande religion monothéiste et c'est l'islam. Et tous les messagers d'Allah ont enseigné cette religion-là, c'était l'islam. Et donc, il y en a qui ont mal compris ça. Il y en a qui croient qu'aujourd'hui, les religions que les gens pratiquent parmi les juifs et les chrétiens et les autres groupes, ils croient que ça, c'est la même chose que le même message qu'ils suivent aujourd'hui, c'est la même chose que les prophètes suivaient. Comme si les chrétiens aujourd'hui s'imaginent, certains groupes musulmans s'imaginent que ce que les chrétiens d'aujourd'hui suivent, c'est le message que Jésus a amené. Et ce que les juifs suivent aujourd'hui, c'est le message que Moïse a laissé. Alors que c'est faux. C'est des formes de religions qui ont été transformées, qui ont été changées depuis bien longtemps, depuis des siècles. Et ils sont tous divisés en différents groupes et en différentes sectes qui ont toutes des croyances et des idées et des compréhensions différentes. Ils ne sont pas une seule religion unie, un seul groupe. La même chose pour les musulmans. Ils ne sont pas un seul groupe uni avec une seule croyance et une seule compréhension et une seule pratique. Walaykum salam wa rahmatullah. Ils ont tous des différences dans leur compréhension, dans leur croyance, dans leur interprétation. Et donc, il y en a qui disent, quand ils voient ces différences-là, il y en a qui disent, il faut tous accepter. Ça, c'est la pluralité. C'est la pluralité de la manifestation de l'islam. Il faut toutes les accepter. Il ne faut pas critiquer une par rapport à l'autre. Toutes sont bonnes. Celui qui dit ça, il a menti à propos d'Allah et à propos du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que l'islam que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a amené, c'est l'islam qui est dans le Coran et dans la sunna authentique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui est en contradiction avec ça, c'est pas l'islam. Même si c'est pratiqué par les gens. Et il y a des gens aujourd'hui qui essaient de cultiriser, c'est un mot que, c'est pas un mot que j'ai inventé, je pense que c'est un vrai mot en français. Mais ils veulent cultiriser la religion. C'est-à-dire ils veulent que la religion soit prise comme une culture. Et ils mélangent la culture et la religion d'une façon tellement, intime ou tellement mélangée ensemble que, la personne, elle est musulmane par le simple fait qu'elle est de culture musulmane. Et donc, quand ils vont parler, par exemple, de culture, comme par exemple, c'est ça ce qu'ils disent aujourd'hui. Ils vont dire l'islam africain, l'islam égyptien, l'islam saoudien, walaykum salam wa rahmatullah, l'islam algérien, l'islam marocain, l'islam sénégalais. Il n'y a pas toutes ces formes d'islam-là. L'islam, c'est l'islam. L'islam, c'est ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Maintenant, la culture, il y a la culture marocaine, culture algérienne, culture sénégalaise, culture saoudienne, hein, culture égyptienne. Ça, c'est des cultures. Et dans ces cultures-là, il y a des choses qui sont en accord avec l'islam, qui sont en accord avec le Coran et en accord avec la Sunna, et il y a des choses qui sont en contradiction avec le Coran et en contradiction avec la Sunna. D'accord? Donc maintenant, ils essaient de nous faire comprendre que il y a donc chaque pays a son islam. Hein? Je le disais justement dans un livre, il y a des gens, par exemple en Grèce, ils disent qu'ils sont orthodoxes, même quand ils sont athées. Ils ne croient pas en Dieu, mais ils disent « je suis grec orthodoxe ». Parce que c'est la culture, c'est devenu une culture, la religion. Aujourd'hui, il y a des juifs, ils ne croient même pas en Dieu, ils sont complètement athées. Puis quand tu leur demandes, hein, qu'est-ce que tu es, ils disent « je suis juif ». Parce que tellement qu'ils ont mélangé la culture et la religion, que la religion est devenue une culture pour eux. Et donc, ils font aucune distinction entre la culture et la religion. Et c'est en train de devenir comme ça chez les musulmans. La religion est en train de devenir une culture. Et ça, c'est pour ça que maintenant, quand ils entendent des musulmans qui sont en train de dénoncer certaines pratiques ou certaines croyances qui sont propagées parmi les pays, dans les pays musulmans, ils disent « Ah, ça c'est des gens, ce sont des intégristes, ce sont des ci, ce sont des ça, ce sont des extrémistes. Hein? » C'est pas vrai. On est en train de dire aux musulmans, oubliez pas que l'islam, c'est pas une culture. L'islam, c'est une croyance. C'est basé sur des fondements, des principes de croyance, et c'est basé aussi sur des pratiques. Donc, mélangez pas votre culture avec la religion, parce que vous risquez de vous tromper par la suite. L'islam, c'est l'islam, la religion, c'est la culture, c'est la culture. Et c'est deux choses différentes. Donc ça, c'est juste un point en passant, parce que ces traditions-là de shirk qui sont pratiquées actuellement dans les pays musulmans, hein, de prendre des intermédiaires entre les hommes et Allah subhanahu wa ta'ala, wa alaykum salam wa rahmatullah, eh bien, ça fait partie de la culture de certains musulmans. Mais ça ne fait pas partie de l'islam, d'accord? Et quand ils disent, par exemple, l'islam saoudien aujourd'hui, parce qu'ils s'imaginent que l'islam saoudien, comme on dit, tout ce qui se pratique comme l'aspect religieux de tout ce qui se fait en Arabie Saoudite, ça veut dire comme ça, c'est l'islam saoudien. Et ils disent comme si, par exemple, que si on est salafi, ils disent ça y est, vous êtes des wahhabis et vous suivez l'islam saoudien. Et ça veut dire en même temps qu'on est d'accord avec tout ce qui se passe ou tout ce qui se fait en Arabie Saoudite. Et ça, c'est faux. On a posé une fois, j'ai écouté une cassette, ils ont posé la question au Cheikh Ibn Baz, Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullah. Il dit, quelqu'un qui a posé la question au sujet d'une personne qui dit, la musique c'est halal parce que si c'était pas halal, le gouvernement ne l'aurait pas accepté. Et Cheikh Ibn Baz, il a répondu, il a dit, le gouvernement n'est pas infaillible. Le gouvernement peut se tromper, ça se peut qu'il fasse des erreurs. Donc la référence, c'est pas qu'est-ce que le gouvernement fait. La référence, c'est qu'est-ce qui est écrit dans le Coran et dans la Sunna. Hein? Et il y a plein de ulama de Ahl Sunna wal Jama'a qui sont pas saoudiens et qui suivent le même manhaj. Alaykoum salam wa rahmatullah. Et donc d'essayer de peindre l'image de cette façon-là. L'islam qu'ils prétendent, comme ils disent, par exemple l'islam saoudien, il existait avant que l'Arabie saoudite existe. Hein? Les ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont toujours existé dans la Umma. Avant Muhammad ibn Abdul Wahhab, avant Ibn Taymiyyah, avant l'imam Malik, avant l'imam Shafi'i, à l'époque des Sahaba, c'était quoi l'islam que les Sahaba pratiquaient? Nous, c'est ça qu'on dit. Retournons à ces références-là, à l'islam que les Sahaba pratiquaient. À l'islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé aux sahaba et que les tabi'in ont pratiqué et le tabi'in tabi'in ont pratiqué et ainsi de suite à travers les siècles. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Avant que les philosophies rentrent et se mélangent avec la croyance, avant que les sectes apparaissent, hein, le soufisme, le chiite et tout ça, ça c'est arrivé après. Ça a été un mélange. Donc c'est pour ça, toutes ces formes de shirkiyat sont rentrées dans les pays musulmans par la suite, et là ils veulent les prêcher et les propager au nom de la culture. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que c'est pas une culture, mais c'est une aqida, c'est basé sur une aqida, d'accord. Donc le cheikh il mentionne des preuves et des exemples, des versets à ce sujet-là. Il dit « وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ » et ils invoquent, ou ils adorent en dehors d'Allah, ce qui ne peut ni les nuire, hein, ni leur profiter. Et ils disent « Ceux-là sont nos intermédiaires auprès d'Allah. » Ça c'est le verset 18 dans Sourate Yunus. « وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ » هَذَا هُوَ الشِّرْكِ. Ils disent, ils invoquent et ils adorent en dehors d'Allah. Ça, ça prouve que c'est le shirk. Et dans l'autre verset, dans Sourate Zumar, le verset 3, qu'on a mentionné également hier, et ceux qui invoquent ou qui prennent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala des alliés ou des intermédiaires ou des intercesseurs, hein, ils disent nous ne les adorons pas et nous ne les adorons que pour qu'ils nous approchent plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah les a menacés par la suite en disant Allah va juger certes entre eux à propos de ce qu'ils faisaient, hein, ou à propos de ce sur quoi ils ont divergé entre eux. Et Allah ne guide pas celui qui est menteur et mécréant, kafar. Allah a appelé leurs actions, le fait de prendre des intermédiaires entre Allah et sa création, il a appelé ça kufr. Il a appelé ça kadib, mensonge et kufr, mécréance. Il a appelé même, non seulement il a appelé kufr, mais hein, la personne qui le fait, il a appelé kafar. Et kafar, c'est la forme en arabe fa'al, ça veut dire c'est al-mubalara, ça veut dire c'est comme l'extrême de la mécréance. Hein? C'est pas juste la mécréance, c'est l'extrême, la limite de la mécréance. Ça veut dire tu peux pas aller plus loin que ça dans la mécréance. Et donc c'est la forme qui est utilisée dans le verbe qui, ou dans la forme du mot qui nous montre à quel point c'est une grave forme de mécréance. Hein? Des fois, dans la langue arabe, il y a des petites subtilités comme ça. Hein? Quand tu retournes au sarf, tu regardes les significations de la formation des mots, tu vois que ça peut donner une différente signification juste par la forme. Hein? Et ça, c'est une des beautés de la langue arabe. Après, le cheikh il dit « Wa fi hadhihi al-aya, qul id'u alladhina za'amtum min duni Allah, la yamlikuna mithqala dharratin fi as-samawati wa la fi al-ard, wa ma lahum fihima min shirk, wa ma lahu minhum min dhahir. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يقول هذه الآية والتي بعدها يقول العلماء عنها إنها قطعت عروق الشرك من أصله. الشيخ المنسيان لفرسي كنا منسياني تتعالى دي ومشركين invoke ceux que vous prétendez être des intermédiaires entre vous et Allah, ou bien que vous prétendez être des shuraka en dehors d'Allah, ils ne possèdent pas une atome dans les cieux et sur la terre. Et ils n'en possèdent rien, même pas, ils ne sont même pas non plus, hein, ils ne possèdent pas les cieux et la terre, ils n'en possèdent même pas une partie, et ils ne sont pas un aide non plus pour Allah subhanahu wa ta'ala, un support pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ils n'ont pas également l'intercession, excepté pour celui qui a eu la permission qu'on intercède en sa faveur. Donc les ulama ont dit à propos de ce verset-là, c'est le verset qu'on a mentionné tout à l'heure, qu'il a coupé toutes les veines du shirk à la base. Toutes les veines du shirk ont été coupées à la base. Avec ce verset-là, il ne reste plus rien. أما قوله تعالى قل فهذا أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهؤلاء الذين يدعون الملائكة ويدعون غيرهم من دون الله ويزعمون أنهم يشفعون لهم عند الله بغير إذنه سبحانه وتعالى قل لهم يا أيها الرسول بلغهم وأخبرهم بين لهم. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dit, ça c'est un commandement au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'ils disent à ceux qui invoquent les anges ou qui invoquent toute autre créature en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous ceux qu'ils prétendent être des êtres qui peuvent intercéder pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sans sa permission, dis-leur, ô messager d'Allah, transmets-leur et informe-les, hein, et clarifie pour eux. اُدْعُوا هَذَا أَمْرُ تَوْبِيخٍ وَتَعْجِيزٍ لأن الأمر يأتي أحيانا للتوبيخ والتعجيز لا للطلب لا لطلب الشيء أو تشريع الشيء كما في قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فليس هذا أمرا بالكفر وإنما هذا أمر توبيخ وتهديد وإلا فالله لا يأمر بالكفر وإنما فليكفر معناه أمر تهديد وتوبيخ وقد يكون الأمر للتعجيز يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا وهذا أمر تعجيز donc le cheikh il dit que quand Allah il dit au messager de dire aux mushrikin invoquez ce que vous voulez en dehors d'Allah ou ce que vous prétendez être intermédiaire entre vous et Allah, c'est pas un ordre pour dire aux gens « faites-le ». C'est pas comme un commandement pour dire « invoquez d'autres que Allah », mais en réalité c'est pour leur dire yani, que ce qu'ils font c'est faux, et c'est pour montrer la fausseté et la laideur de ce qu'ils font, et pour montrer que ces idoles-là et ces choses-là qu'ils adorent en dehors d'Allah sont dans l'incapacité de les aider, ils n'ont aucun pouvoir. Hein? Parce que des fois, quand Allah mentionne un verbe sous la forme impérative, ça ne veut pas toujours dire un commandement de faire quelque chose. Hein. Des fois, c'est juste au contraire pour montrer que c'est laid de le faire, que c'est en fait pour les défier ou pour leur montrer que ce qu'ils font, c'est pas acceptable, c'est pas bien, c'est pas correct. Comme par exemple, Allah il dit dans le Coran, dans Surat al-Kahf, le verset 29, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ que celui qu'il veut, qu'il croit, et celui qui ne veut pas, hein, ou celui qu'il veut, qu'il m'écroit. C'est pas un ordre qu'Allah dit de m'écroire aux gens. Allah n'ordonne pas aux gens de rejeter la foi, non. Mais c'est pour leur montrer, hein, que c'est une menace de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que vous choisissiez la foi, que vous choisissiez la mécréance, si vous choisissez la mécréance, sachez qu'il y aura pour vous une menace. La preuve du verset qui suit par la suite. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه donc c'est pour dire que فمن شاء فليؤمن celui qu'il veut qu'il croit il va avoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et le paradis et tout le bien فمن شاء فليكفر et que celui qu'il veut qu'il m'écroit mais s'il m'écroit c'est tant pis pour lui parce qu'il va aller dans l'enfer pour l'éternité. Hein? Et ça va juste uniquement le nuire à lui et non pas à personne d'autre. Et ça ne va pas nuire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est dans ce sens-là et non pas pour dire rejeter la foi ou soyez des kuffars. Parce qu'Allah ne commande pas aux hommes d'être des kuffars et de rejeter la foi. Ok? Donc c'est ça. Et donc comme par exemple aussi des fois il monte dans Surat al-Rahman le verset 33, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô assemblée de djinns et d'hommes, si vous êtes capable de sortir des limites des cieux et de la terre, alors sortez. » C'est pas un ordre que Allah donne dans ce verset-là de sortir, non. C'est pour montrer que vous n'êtes pas capable de vous enfuir. Hein? Supposons vous pensez que vous êtes capable de vous enfuir de la terre, d'aller vous cacher quelque part, ou peu importe vous allez, vous êtes capable de vous cacher d'Allah et de son châtiment. Non, vous n'êtes pas capable de vous enfuir. Peu importe où vous allez, vous êtes toujours dans la propriété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si vous réussissez à sortir de cette galaxie ou de ces étoiles-là qui vous entourent, Allah subhanahu wa ta'ala, il va et vous ne pouvez pas lui échapper. C'est ça que ça veut dire. Hein? Donc ce n'est pas pour montrer de le faire, mais c'est pour montrer que vous êtes dans l'incapacité de vous en sortir. Donc on va s'arrêter là maintenant pour tout de suite, puis on continuera inshallah cette explication là parce que c'est un verset qui est très important à comprendre, puis on veut lui donner le droit qu'il mérite d'explication inshallah. Donc, étant donné qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps avant la salat, on va s'arrêter, Inch'Allah, maintenant. Puis on continuera samedi prochain, bienvenue. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وفيكم بركة 55